Sanganino. Elini Belle, Nibigira. Sur la mise en onde, merci de garder l'écoute de la radio Isanganiro. Bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée de ce 30 décembre 2021. Excusez-nous pour les deux minutes de retard. D'abord les grands titres. Toute personne non criminelle ne devrait pas être envoyée en prison. C'est le souhait émis par le président burundais lors de l'émission publique de ce mercredi. Un souhait que salue l'association Nhawaliza qui défend les droits des prisonniers. Vous l'entendrez. Au sommaire également, c'était recrudescence de la mendicité à mairie de Bujumbura, surtout pour les personnes vivant avec handicap. Et pourtant, elles peuvent entreprendre des activités de développement selon les citadins rencontrés. À Gitega, on rapporte des abandons scolaires chez les élèves batois, et cela suite à la pauvreté qui mine leur famille. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. Le président de la République souhaite que soient uniquement admis en prison les criminels et que, que les auteurs de détournement remettent les fonds détournés. Lors de l'émission publique de ce mercredi, le président Évariste Ndayishimiye trouve que cela réduirait les moyens alloués aux prisonniers. Toutefois, et selon lui, même un criminel doit être traité de façon humaine. Et suivez le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, qui est traduit en français par Jean Bosco Ndouimana. Iyo wasahuye utegerezwa kuriha ivyo wasahuye ubigarukane. Quand on est reconnu coupable de détournement, il faut payer et remettre le dû dans les caisses publiques. Je crois que vous avez vu que pour la récente grâce présidentielle, personne n'a été relâché avant d'avoir remis les montants à sa charge. Il y a donc ceux qui sont encore sous les verrous en attendant qu'ils puissent payer. Mais moi, je voudrais vous dire que je ne souhaite pas qu'une personne non criminelle soit emprisonnée, car l'État a toutes les forces pour contraindre n'importe qui à rembourser. À l'époque monarchique, il n'y avait pas de cachot, mais l'on pouvait saisir tous les biens, car c'était une trahison. Il n'y avait pas d'autres sanctions. Il existe une astuce qui a fait que les auteurs de malversations économiques augmentent. En effet, une personne détournée un milliard et se laisser emprisonner une année pour payer 50 millions d'amendes pour enfin être libéré et consommer le reste de la somme détournée. C'est ce que je ne veux pas voir aujourd'hui. J'exige de payer. Sur ce, nous avons déduit qu'il faut une bonne organisation de l'appareil judiciaire. Et toujours dans le domaine judiciaire, qu'est-ce qui suit les jugements? Certes, il y a des auteurs d'infractions pénales qui sont emprisonnés, mais je voudrais vous dire qu'il y a un phénomène que nous sommes en train de combattre. On envoie en prison des gens coupables de contraventions. Ce sont des conflits entre des gens. Je ne souhaite pas de détenus non criminels. C'est une perte pour le pays qui doit les nourrir et assurer leur sécurité, alors qu'ils pouvaient vaquer aux activités de développement. La prison devrait être réservée aux criminels pour protéger la population et pour les corriger. Mais eux aussi, malgré leur condamnation, ils doivent être traités de façon humaine. L'association qui milite pour les droits des prisonniers, Nhawaliza, apprécie positivement ces propos du président de la République qu'il a tenus ce mercredi. Le président de cette association, Jean-Marie Chimilimana, indique qu'il avait depuis longtemps demandé que la justice burundaise intègre les travaux d'intérêt général parmi les sanctions pénales. Suivez-le dans la traduction française d'Alain Désiré Bokenet. Nous avons été satisfaits de ce que le président de la République a dit à propos des prisonniers, que les prisons doivent loger uniquement les pires criminels, comme ceux qui ont tué les gens, et que même cela, ils doivent être emprisonnés suivant la loi. Nous qui militons pour les droits des prisonniers, nous nous avons félicités par rapport à ces déclarations. Nous, dans notre association Nhawaliza, nous croyons que s'il a dit que les prisons doivent loger les pires criminels, il fait allusion aux violeurs, escrocs ou aux personnes qui volent dans les caisses de l'État ou les particuliers. Il a dit à ce propos que la solution n'est pas de les emprisonner, car si on fait cela, on entrave le développement du pays et les familles en pâtissent également. Nous, dans notre association Nhawaliza, nous avions demandé cela depuis longtemps, que par exemple, si une personne est condamnée à 5 ans de prison ferme, on lui donne des travaux d'intérêt général ou encore qu'elle s'entende avec la partie adverse pour les infractions mineures. Nous en profitons pour interpeller les gens de ne pas être emportés par la haine, car il y a ceux qui se cachent derrière et qui font emprisonner des innocents. Et certainement qu'une fois cela arrive, on pourra asseoir la paix. Jean-Marie Chimirimana, il est président de l'association Nabaliza qui milite pour les droits des prisonniers. Il s'observe la recrudescence de la mendicité dans différents coins de la mairie de Bujumbura. Éviter de donner de l'argent est un des moyens de lutter contre ce phénomène, explique certains citadins qui se sont entretenus avec nos reporters ce jeudi. Selon ces citadins, même les gens vivant avec handicap peuvent devenir autonomes. Ils sensibilisent les parents qui entraînent leurs enfants dans la mendicité de les envoyer plutôt à l'école. Reportage de Nicole Nilina. Lorsqu'on passe dans différentes rues du centre-ville de Bujumbura, on observe des cas de mendicité. À l'avenue de l'Amitié, par exemple, près de la société Sokabu, on remarque des gens assis qui demandent de l'argent aux passants. En face de l'immeuble où se trouve la banque CRDB et au boulevard de Luprona, près de l'hôtel Exenovotel, là on constate des mendiants qui attendent des automobilistes devant les poteaux des feux tricolores. D'après les citadins avec lesquels nous sommes entretenus, ceux qui donnent de l'argent à ces mendiants ont aussi leur part de responsabilité. En aidant ces mendiants, on contribue involontairement dans la continuité de ce phénomène. Nous devons éviter de leur donner de l'argent. Ces gens-là ne sont pas pauvres. Certains même prétendent qu'ils sont handicapés. Selon moi, un handicapé peut travailler. L'infirmité ne justifie pas la mendicité, explique cette personne qui travaille près de l'endroit où se pointe parfois un handicapé mendiant. À l'avenue de l'amitié, il y a un handicapé qui s'assoit ici régulièrement. Ses bras sont en bon état. Si cette personne pouvait rassembler tout l'argent qu'on lui donne et entreprendre un petit business, ça pourrait vraiment l'aider. Toutes ces personnes invitent les parents à s'atteler aux travaux d'autodéveloppement et à inciter leurs enfants à poursuivre les études pour un avenir meilleur. Selon la nouvelle loi portant révision du code pénal, toute personne qui vit en état habituel de mendicité est punie de 14 jours à 2 mois de servitude pénale et d'une amende de 5 à 10 000 francs bourg. À 13h05, si vous êtes à l'étranger, contactez-nous via le www.isanganiro.org pour nous suivre en direct. Le manque du rôle clair de l'État dans les entreprises para-étatiques est l'une des causes de leur faible performance. Analyse de consultants dans les finances publiques, Léonce Sinzinghayo trouvait que la loi régissant les entreprises publiques mérite une révision. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Moïse Misaku. Les rapports que j'ai consultés sur un travail que j'ai fait au niveau de l'OAG, c'est le rapport de 2017. Vraiment, ça montre une situation qui est catastrophique. C'est-à-dire, beaucoup d'entreprises publiques ne déclarent pas de bénéfices, d'un résultat net négatif. Par exemple, en 2017, vous avez par exemple le Natel qui était autour de un résultat net négatif autour de 6 milliards. Le niveau de la régie des eaux, on est presque de 8 milliards négatif. Sodeco, 368 millions, etc. Donc, c'est vrai, les chiffres ne sont pas bons. Alors, il y a plusieurs causes de cette mauvaise performance des entreprises publiques. La première question, c'est le rôle de l'État actionnaire n'est pas clarifié. Vous savez, l'État participe à 100% à la création d'entreprises publiques ou à plus de 50% des sociétés mixtes ou même à moins de 50%. Donc, il y a trois catégories de participation de l'État actionnaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a créé des directions au niveau du ministère des Finances pour suivre ça, mais je crois que c'est, à mon avis, c'est trop faible. Pourquoi c'est trop faible? Le cadre juridique institutionnel actuel, il est très contraignant, surtout au niveau de la nomination des gestionnaires. Il y a une loi cadre sur les entreprises publiques, une loi cadre sur les établissements publics, mais là, les gestionnaires n'ont pas toutes les prérogatives pour bien gérer une société. Donc, il y a un poids énorme du ministère de tutelle dans le choix des dirigeants. Il y a l'encadrement d'une société comment spécialisée comme la régie des ordinateurs. Est-ce que les ministères de tutelle ont des personnes, des cadres qui peuvent contrôler ces sociétés? Non. Est-ce que les membres des conseils d'administration sont techniquement outillés pour gérer cette entreprise? Cette entreprise purement étatique n'enregistre pas des performances au moment où celles para-étatiques font des performances. Comment expliquer cette situation? Dans une entreprise publique, il y a une participation, même minoritaire, d'un privé, d'une société privée. Ils changent de mode de vie, ils n'ont plus géré par la loi A4, c'est géré comme une société mixte. Et là où les conseils d'administration, les directeurs sont choisis avec, d'une manière très très stricte. C'est le cas par exemple des banques qui sont suivies par la BRB. Oui, l'État devrait créer ce qu'il appelle une agence de participation de l'État pour suivre de près la gestion de ces entreprises. Encore une fois, Léon Sensenzinghayo, consultant dans les finances publiques. C'est le comment améliorer le suivi de l'État actionnaire. Donc, l'État participe minoritairement, majoritairement, 100%. Qui est chargé de suivre ça? Normalement, c'est le ministre des Finances. Bien sûr, il y a une direction générale qui est chargée de ça. Je crois que cela est trop faible. Il faut créer absolument un établissement qu'on appelle une agence de participation de l'État. Moi, j'appelle ça une agence de participation de l'État qui va suivre les participants de l'État, donc même minoritaire, qui va publier les termes de référence pour les gens qui vont diriger les entreprises publiques, qui vont suivre les examens, qui vont suivre la gestion, qui vont faire les rapports, la situation annuelle telle que demandée par l'organisme de finances publiques, enfin qui va gérer les actions de l'État dans les sociétés publiques et mixtes. Donc, c'est cette agence-là, et qui sera même chargée de récompenser, chasser, tout ça, ceux qui ne travaillent pas bien. L'autre aspect, c'est ceux qui sont choisis. Il ne faut pas les rémunérer avec un salaire de misère. Un exemple pour la régie des eaux. Ils gèrent des milliards, des milliards. Est-ce que vous allez le payer 1 million, 2 millions par mois, alors qu'il gère des milliards? Non. Il faut voir la responsabilité qu'il a et le rémunérer en conséquence. Y compris même les membres des conseils d'administration qui vont décider, il ne faut pas faire des récompenses de misère. Il faut rémunérer les choses en conséquence et les récompenser en fonction des résultats. Il réagit aux lamentations qui reviennent souvent, les lamentations de l'État, comme quoi les entreprises étatiques et para-étatiques ne paient pas de dividendes parce que leur situation financière n'est pas bonne. Page éducation à présent, les parents de la composante sociale Batoa de la colline Mubuga, en commune Guiheta, nous sommes en France et Gitega, disent que la pauvreté à laquelle ils font face est à l'origine de des cas d'abandon scolaire chez les enfants Batoa et de leur mauvais rendement scolaire. Ils demandent alors de l'aide et surtout l'exemption des frais, telle une somme de 1000 francs burundais exigée à chaque éduqué pour payer les enseignants bénévoles. Le directeur communal de l'éducation à Guiheta explique que ces 1000 francs sont exigés à chaque élève, mais que de l'aide de toute origine en faveur des élèves Batoa serait la bienvenue. Gérard Nibigira pour plus de détails. Selon ses parents de la composante sociale Batoa de la colline Mubuga, commune Guiheta, province de Gitega, la pauvreté à laquelle ils font face a été accentuée par un recul sensible du métier de poterie, concurrencé par les ustensiles métalliques et en plastique, alors qu'ils n'ont pas de terre cultivable pour pratiquer l'agriculture. Ils affirment que les conséquences de cela pèsent sur la scolarisation de leurs enfants qui ne suivent pas bien les cours suite à la faim et le manque de certains frais exigés par les directions scolaires, dont une somme de 1000 francs payée chaque trimestre par tout éduqué à différents niveaux et dont la destination est la rémunération des enseignants bénévoles. Ils regrettent le fait que pas mal d'enfants Batoa ont abandonné l'école à cause de la faim, de la pauvreté de leurs parents et d'autres ont été chassés de l'école pour manque de cette somme de 1000 francs. Ils demandent des assistances de la part part de l'État et de tout âme charitable, ainsi que l'exemption de la somme de 1000 francs pour tous les élèves batois. Ils indiquent que pour le premier trimestre de cette année scolaire, 5 enfants batois de la colline Mouga ont abandonné l'école suite à la pauvreté de leurs parents et la faim, tandis qu'un autre n'a pas vu ses résultats car il n'a pas payé les frais de rémunération des enseignants bénévoles. De son côté, le directeur communal de l'éducation à Guilleta précise que les 1000 francs par élève et par trimestre pour la rémunération des enseignants bénévoles sont exigibles à tout éduqué car fixés par le conseil communal. Toutefois, il précise que de l'aide de toute provenance, même communale, à l'égal des élèves batois serait une bonne chose. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Revenons à Bujumbura pour parler de commerce. Le prix de riz a grimpé dans différents points de vente en mairie de Bujumbura et cela depuis environ un mois. Le riz est vendu à 2500 francs burundais le kilo alors qu'avant il s'achetait entre 1700 et 1800 francs burundais. Les commerçants et les clients demandent à l'État de suivre de près cette question. Ornella Mocho pour plus de détails. Aux différents points de vente en mairie de Bujumbura, le prix du riz a grimpé dans un délai d'un mois. Au dépôt de vente situé en zone Wiendi, tout près du marché Uvumera, à l'endroit communément appelé Saint-Augustin, le riz local est vendu à 2500 francs brou au prix de gros. Des clients disent que c'est incompréhensible vu que c'est le riz cultivé au Burundi. Un des commerçants grossistes explique que cette montée est due à la réduction de la production du riz. Cela est ainsi à Nyakabiga 1, 11e avenue, à l'endroit communément appelé Kwamunyagwanda. Tous trouvent que l'État devrait prendre en main cette question. La situation est contraire pour d'autres aliments tels que les haricots et les pommes de terre. Par exemple, les pommes de terre qui s'achetaient à 1200 francs brou le kilo il y a à peu près deux mois, s'achète aujourd'hui à 800 francs le kilo. Ornella Mocho, et avant de nous séparer sans transition, je vais donc passer à l'international. Le Niger demande à 8 ex-dignitaires du régime rwandais responsable du génocide de 1994 de quitter le pays. Un arrêté d'expulsion a été pris lundi 27 décembre. Il porte la signature du ministre de l'Intérieur, Amadou Adamou Soulé, une expulsion justifiée par des raisons diplomatiques alors que ces personnes avaient récemment été accueillies dans le pays. Ils sont divisés en deux groupes selon la Radio France Internationale. Il y a ceux qui ont été acquittés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, un ancien haut gradé, deux ex-ministres, Proté Zigira Nirazo, dit M. Z. C'est un frère d'Agathe Abdialimana, l'ex-première dame, les quatre autres trois cadres militaires et l'ex-préfet d'Obutare avaient été condamnés par ce tribunal et ont déjà plongé leur peine. Point final à cette édition à 13h15. C'est par ici que nous mettons donc un point final à cette édition. Eric Wimana était à la mise en onde et je lui dis merci. Merci également à vous tous qui nous avez écoutés. Eli Nibel Nibigira, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer. C'est un excellent après-midi. Au revoir.